L'actualité à Nancy et ailleurs. À Nancy, le palace d'hiver revient le samedi 14 mars à 19h dans la cour de l'ancienne école de la MJC des Trois Maisons. Ce sera la 7e édition d'un rendez-vous placé sous le signe de la convivialité. Pour en parler, nous avons au téléphone Audrey. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie de l'équipe d'animation de la MJC Trois Maisons. 7e édition de ce palace d'hiver, qu'est-ce qui fait son identité à ce rendez-vous ? Alors, ce rendez-vous, son identité, c'est que, il se passe en extérieur. Alors, à un moment où c'est encore l'hiver. Alors là, oui, c'est le 14 mars, mais on est encore en hiver. Donc, c'est un rendez-vous qui se passe principalement en extérieur, sous la forme d'une grande auberge espagnole. Et puis, on accueille aussi un spectacle en même temps, en extérieur. Et cette année, c'est la compagnie Brugnac qui nous présentera Chicane, qui est une petite fanfare. Ils sont quatre et ça va déménager. Voilà, on va y revenir. Dans la présentation de cette 7e édition, vous dites que vous revenez un peu aux origines du thème palace. Oui, parce que pendant les dernières années, en fait, on avait choisi des thématiques. L'année dernière, on était sur les années folles et je crois qu'on a un petit peu perdu notre public pour l'idée de la rigolade costumée. Donc voilà, on est revenu au palace un peu décalé et voilà, et on attend des grands chapeaux, des bijoux improbables, des manteaux en fausse fourrure, voilà, quelque chose d'un petit peu un peu fou. Bah justement, alors pour des personnes qui ne seraient jamais venues, qu'est-ce qu'on va vivre sur place ? Comment ça se passe ? Alors sur place, en fait, quand le public va arriver à 19h, la cour sera illuminée parce qu'on a eu un samedi d'atelier créatif, samedi qui vient de passer, où on a construit avec des habitants, des adhérents, des artistes, des gros luminaires qu'on va installer et mettre en place. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre de la lumière en soirée puisque il fera déjà nuit. Donc voilà, l'idée, c'est aussi d'illuminer ce grand banquet. Donc on a une énorme table avec une nappe blanche où on attend tous nos convives. La MJC, elle, prépare une grosse soupe à partager, un vin chaud aussi. Et puis après, tous les participants et participantes ramènent, eux, quelque chose qu'ils ont envie de nous faire découvrir. Soit une petite tarte, soit une boisson, voilà, que chacun peut et veut. Un bon moment de convivialité. Vous avez évoqué tout à l'heure la compagnie Brugnac. On va les retrouver à 20h avec Chicane. À quoi on peut s'attendre ? Ah ben on peut s'attendre à beaucoup de bons sons, beaucoup de mouvements. Voilà, c'est une fanfare qui se déplace. Alors là, on n'est pas en déambulation, mais voilà, ils vont nous faire vivre aussi un palace à leur manière, par leur musique. Donc voilà, ils vont rajouter du palace au palace. Et pour terminer la soirée, la musique sera toujours là avec une boum ? Tout à fait, ouais, voilà, on change pas une équipe qui gagne. C'est vrai qu'on aime bien faire une petite boum au moins une fois par an. Et donc souvent, c'est au palace. Et là, on accueille, c'est toujours nos DJ préférés, c'est Studio 45. Donc voilà, eux, ils animent la soirée uniquement en 45 tours. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde, c'est entrée libre, il y aura une petite buvette sur place. Et puis pour le reste, sinon, c'est vraiment, tout est gratuit et voilà. Voilà, le Palace d'hiver, 7e édition, c'est ce samedi 14 mars à partir de 19h. D'autres rendez-vous, bien sûr, à venir à la MJC Trois Maisons. On peut évoquer la convention de jonglerie bibasse ? Oui, le gros événement de la MJC, le très gros, puisqu'il dure 5 jours et 4 nuits. On accueille plus de 150, voire 200 conventionnistes sur place, donc des jongleurs qui viennent de toute la France et qui campent à la MJC. Et évidemment, cet événement est ouvert aussi à tout public extérieur pour venir voir des bons spectacles, principalement de jongle, mais aussi de la musique. Et voilà, on attend toujours beaucoup de monde sur cet événement, buvette, cantine sur place. Et ça, c'est le gros événement annuel de la MJC, effectivement. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais là, je crois que vous cherchez des bénévoles ? Toujours, oui, parce qu'en fait, finalement, les conventionnistes sont de plus en plus nombreux et on s'est un petit peu débordés. Alors, on est quand même pas loin de 80 bénévoles, mais ça devient un petit peu juste là depuis l'année dernière. Alors, pour retrouver toutes les infos pratiques, mjc3maisons.fr, ça c'est le site internet. Et le dernier mot pour donner envie aux auditeurs de venir ce samedi 14 mars. Eh bien, écoutez, juste qu'effectivement, un moment convivial, de partage, et voilà, où on se laisse porter par la soirée, entrée libre. Voilà, c'est assez rare pour venir profiter et être curieux de cet événement. Merci beaucoup à Audrey et la compagnie Brugnac conclut en musique cet entretien. La L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.